Je suis perturbé. C'était quoi la chanson Cyberdog là? Vas-y, c'était ça? Ouais, c'est bien. Comment? Vas-y, cyber. Non, mais non, mais vas-y, c'était toi, ouais, c'était au pif. Bah, c'était vachement bien. C'était de la bombe au pif. Et vas-y, écris ta note, ton mouvement d'accord. Et c'est trop cool. De sec, ok. C'est trop cool. C'est qui? C'est Yann. Et c'est Cyberdog. C'est Mad World, ça. Salut Alexia, bisous. Il est à 20h11, les gars. Et salut Alexia, il dit Yann. Et salut Yann, elle dit Alexia. Et salut Yann, elle dit Alexia. Dès qu'il faut que tu viennes chanter. Hein? Dès qu'il faut que tu viennes chanter. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu viens chanter? Non, elle vient pas chanter. On continue à inventer. Bah oui.